et on ne dira jamais assez la gravité des conséquences. Pour un milliard qui manque à bâtir, c'est 3, 4, 5 milliards qu'il faut inscrire au budget des années suivantes de délinquants, de prostituées, d'alcooliques, de tuberculeux, d'enfants abandonnés, etc., etc., de frais de prison, d'hôpitaux et de tout. Pour 1000 francs qui manquent au logement, c'est 10 000 francs qu'il faut sortir pour ramasser les épaves et les déchets humains. On me dit quelquefois, si c'était aussi grave que vous le dites, les gens feraient des émeutes. C'est pas vrai. Car il y a pire que l'émeute. C'est la dégradation. C'est l'agissement. C'est pire que la révolte. Et si ces gens ne se révoltent pas, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas si mal que ça. C'est parce qu'ils sont trop mal. Ils ont dépassé le palier au-delà duquel on peut encore se révolter. We'll be right back.